Bienvenue dans Chronique et Histoire. La chronique de ce jour s'intitule « Délit de sale gueule ». Je m'appelle Jo. J'ai une trentaine d'années en année d'homme. J'ai changé plusieurs fois de maison. J'ai même fait de la prison. Mon crime ? On appelle ça un délit de sale gueule. Pourtant, j'ai une bonne tête. J'adore les gens et joue avec les enfants, malgré ma carrure d'athlète qui aspire le respect. Mon passé de délinquant fait que je conserve quelques mauvaises habitudes. J'ai connu la faim, la vraie, celle qui tord le ventre et qui torture l'esprit. Alors, je me baffre, je me jette sur la nourriture comme si je n'étais pas sûre de manger demain. Je ne suis pas de la bonne race. Je suis un chien de deuxième catégorie. Il paraît qu'il ne faut pas parler de race. Cette règle s'applique donc aux chiens, aux clébards perdus sans collier jusqu'au toutou chic. Du Médor facétieux à Kikid à sa mémère. Alors pourquoi me muselle-t-on ? Avec mon masque noir, je ressemble à un serial killer. Essayez avec ça de paraître gentil et sympathique. Malaise ? Je rêve de gambader au-devant de mes maîtres, de courir vers eux dès que je les entends. Ben non, je n'ai droit qu'à 120 cm, pas un de plus. Mes nouveaux maîtres ont dû montrer patte blanche, présenter leurs papiers, passer une formation. Je ne devais pas tomber entre de mauvaises mains, finir comme chien de combat, enfermé dans une cave de cité, ou chien de garde dans un coffre de voiture. Ici, la seule chose que j'attaque, c'est la poubelle de la cuisine quand on oublie de la sortir. Chien méchant, mon œil, chien marrant plutôt. J'ai une gueule d'amour. Mordre ? Je m'en sens incapable. Comment mordre alors que j'ai tout pour être un chien bien dans mes baskets ? Des labradors, des caniches, des pinchers ou des chihuahuas avec leur bouche pleine de petites dents bien pointues qui vous chopent le mollet d'un air vindicatif. Ça, on les muselle pas. Ça, on les laisse aller. Et venir en les trouvant choupinous ou gros mignons. Chienne de vie.